Chapitre 4. Calme plat sous un temps gris presque uniforme. La mer est d'un vert profond qui se dégrade jusqu'à l'émeraude pâle en venant mourir par longs rouleaux d'écume sur toute l'étendue de la plage de Penhat. C'est marée basse. Une barque solitaire est immobile, mâts et voiles abattus, comme à l'ancre, à une vingtaine de mètres de la grève, au milieu même de l'immense solitude de sable. Deux hommes s'y tiennent, armés d'avirons. D'autres dorment ou sont étendus au pied des dunes, çà et là. Tout à coup, un appel guttural tombe du sommet de la roche la plus avancée du Toulinguet, au-dessus des grottes. La barque se met en mouvement. Les hommes couchés courent de toute leur vitesse vers la mer. Quelques-uns dégringolent des cimes de la haute falaise et bondissent également dans la direction de la barque, toutes jambes nues, le pantalon relevé à mi-cuisse. Un seul, le guetteur resté debout en haut de l'escarpement formidable qui surplombe les cavernes géantes où meurt le flot, crie toujours, agitant les bras, faisant des signaux. La barque file, les rameurs jetant au fur et à mesure à la mer un filet dont l'extrémité est retenue à terre par 5 ou 6 pêcheurs. Elle s'éloigne un peu, décrit un demi-cercle, se rapproche de nouveau, déployant toujours son filet, dont l'autre extrémité est alors saisie par un groupe égal en nombre au précédent. Puis se produit une bizarre manœuvre, les pêcheurs allant chacun de leur côté pour ramener le filet à terre. Tonton Corentin, Balanec, Maradour, Kerbon, Tréboul, Lagadec, d'autres encore étaient là, fort actionnés à cette besogne curieuse qui est la pêche des mulets. La sardine ne donnant pas en ce moment, sans doute en raison des mauvais temps, des orages et des coups de vent qui avaient troublé tout le mois, le vieux mareyeur avait conseillé de se rabattre sur les mulets, dont quelques bancs étaient signalés aux environs, et Garrec avait amené, dès le matin, sa barque à Penhat. L'embarcation se tient ainsi, attendant l'occasion tandis que sur la falaise, une sentinelle surveille la mer. Dès qu'un banc est en vue, comme les mulets suivent toujours les côtes de très près, on essaie de les cerner et de les envelopper de ce filet disposé en rideau, maintenu au fond par des balles de plomb, à la surface par des morceaux de liège. Peu à peu, le filet, tiré de chaque côté, rétrécissait son demi-cercle, dont le centre était amarré par les gens du bateau. Les hommes entrèrent dans l'eau pour lever le plus haut possible la partie garnie de liège et empêcher le poisson pris de s'évader par-dessus. « Ah, gredin, je te rattraperai la prochaine fois !» grondait Maradour toutes les fois qu'un mulet plus agile franchissait d'un bond le filet et allait se perdre au loin. Déjà, on voyait grouiller dans une eau limoneuse la masse des prisonniers, donnant de la tête dans le réseau serré des mailles, battant follement de la queue. Mais au centre, une masse plus grosse attira les yeux de Balanec. « Que diable avons-nous cueilli là ? Quelques méchants bouts de bois bons à crever le filet !» fit Corentin. Sur le sable, les mulets se débattaient vainement, se soulevant par sauts, bâillant leur agonie sous l'asphyxie progressive de l'air, mêlés à de petites raies, à des étrilles, des crabes, tout le menu fretin de l'océan. « Il y en a au moins 100 !» compta de l'œil Lagadec affairé autour de la pêche. « Ça ne vaut pas les coups de 600 à 800, ou même de 2 000 qu'on fait en hiver !» répondit le mareyeur. « Baste !» affirma Maradour. « Ça trouvera toujours son prix sur le marché de Brest. 20 francs la douzaine, les gros !»« C'est tout des beaux !» remarqua Tréboul. Garrec, pendant que les autres ramassaient le poisson pour le compter et le mettre par tas, enlevait le morceau de bois qui s'était pris dans son filet et le jetait à quelques pas de lui sur le sable. C'était une sorte de planche épaisse, déjà à demi couverte d'une quantité fourmillante de ces étranges cirripèdes, crustacés à cordes sensues, à tête de coquillage, qu'on appelle anatifs, porte-canards, parce que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, on a cru qu'ils se transformaient en canards sauvages, et à camaret, macre ou pousse-pied, à cause de leur forme. Ils se collent au navire, à tout ce qu'ils rencontrent, et finissent par grandir quelquefois d'un mètre, grouillant en monstrueuses chevelures de méduses. Une épave ! Constata d'un air indifférent Maradour, bousculant du pied le débris. Lagadec s'était retourné. Il se baissa pour regarder, eut un tressaillement brusque. « Madoué, ça vient de la Marianne, qu'on dirait ?» Corentin redressa la planche, demandant. Qu'en sais-tu? Un morceau de bordage, ça ne dit rien. Il y a peut-être des temps et des temps que ça court les mers. Non, fit Balanec. Tu n'as qu'à voir les ponce-pieds, ils sont jeunes, pas plus d'un mois. Le patron du canot de sauvetage poussa un cri. Au diable, qu'est-ce que cela? Ses doigts venaient de sentir dans le bois des creux réguliers. Il arracha les macres à coups de couteau et trouva, encore visible, ce chiffre qu'il déchiffra tout haut. 888. C'était bien la Marianne. Ils en restaient tous là, saisis, une pâleur à la face, un tremblement aux mains dans la surprise de la chose redoutée. « Pauvre gars tout de même !» soupira Balanec. Tonton Corentin baissait la tête, assombri, songeant. À cause de Marianic, il se représentait, flottant quelque part sous les eaux profondes, le cadavre qui, peut-être un jour, reviendrait sur cette grève et qu'il ramasserait dans ses filets. « Jean-Marie Hervé, oh, oh, mon petit frère !» gémit une voix dans les dunes. Ils tressaillirent. Balanec montra la folle, errant au milieu des chardons bleus et des maigres herbes parmi les sables. Ils eurent un geste instinctif comme pour cacher l'épave. Corentin secoua la tête. « Pauvre Yvonne, elle ne l'a jamais reconnue. Je crois que cela valait mieux, » conclut Maralour. Tout à la sinistre révélation que venait de leur apporter ce bout de planche, ils avaient hâte de retourner à Camaret, d'annoncer la nouvelle de leur trouvaille. Ils se rembarquèrent. Le poisson à fond de cale, la voile hissée, lentement la barque glissa sur la mer tranquille, tandis que, le long de la grève déserte, on entendait la chanson monotone de l'innocente, poursuivant les rêves mystérieux de son cerveau et appelant de temps en temps. « Jean-Marie Hervé !»